Jerusalem. Cette petite fille seule, belle comme le jour, mais pourtant sans amour. Elle fut recueillie avec tant d'enfants, il lui a fallu se faire une place. Elle s'endurcit en sciant son cœur, la fierté dans le regard. Serviette faute au fort contre toi.